Excellente soirée à toutes et tous. Il est 19h passé de 32 minutes. Un petit peu la bourre, mais c'est pas très grave. Voici l'émission Galaxy Live avec le mix So Retro de l'Escape Concept. C'était samedi dernier. Il est minuit très exactement. Et voici l'ambiance que vous avez mis lors de la dernière soirée. With Galaxy. With Galaxy. Music. Music. Music remains on top. Galaxy Live. We'll be right back. Galaxy Live. Live. Galaxy avec un instant le mix sur rétro. C'était samedi dernier l'Escape Concept pour la nouvelle compilation qui est désormais disponible chez votre disquaire. Vous retrouvez la deuxième partie dès demain soir à partir de 19h30 jusqu'à 20h.